Non mais tu vas voir, c'est une super chanson. Moi t'es sûr? Je crois que c'est du R&B. Ah bon? Quand je me lève le matin, je ne trouve même pas mes patins. Je prends les pieds dans le tapis. Je sens que la journée est mal partie. C'est la valse du troll qui a pas de bol. C'est la valse du troll. C'est la valse du troll qui a pas de bol. C'est la valse du troll. Eh, vous connaissez l'histoire du troll qui repasse au plafond? Je cherche du lait pour mon chocolat. Y'en a pas, y'en a pas. C'est prêt de manger. Je veux du sautré pour tartiner. Mais la barquette est dépérée. C'est la valse du troll qui a pas de bol. C'est la valse du troll. C'est l'heure de m'habiller. Je n'ai rien de sale ni de troué. Heureusement, il y a mon caleçon et il ne sent vraiment pas bon. C'est la valse du troll qui a pas de bol. C'est la valse du troll. 3, 4. Bon, les sauterets, on va se calmer, hein, sinon je vais en croquer un. Oh, il est énervé, là, le troll. Attends, attendez, je vais faire un solo, là. 3, 4. Eh, on dirait Justin Bieber. Michael Jackson. C'est la valse du troll qui a pas de bol. C'est la valse du troll. C'est la valse du troll qui a pas de bol. C'est la valse du troll. Dans la caverne, y a tant de bazar que je trouve même plus ma guitare. Pour le concert de ce soir, je vais être en retard. C'est la valse du troll qui a pas de bol. C'est la valse du troll. C'est la valse du troll qui a pas de bol. C'est la valse du troll. C'est la valse du troll qui a pas de bol. C'est la valse du troll. Ah, mais elle est pas mal cette chanson finalement. Trop cool. Ouais, bon, ouais, c'est pas mal. Et les sauteries, on l'a refait? Oh là là, j'ai vraiment pas de bol. Ils ont réussi à me gâcher ma chanson.